suis désolé, hein. Voilà, je vais l'avoir, je vais l'avoir. C'était bien 58. Thank you. Sleeping Satellite. Voilà, écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Thank you. grave. Moi, ça me va très bien.

We'll be right back. Jojo. Tu m'entends? Ah oui.